franceinter.fr. Radioscopie. Radioscopie, Jacques Chancel. Henri de Montfred. Henri de Montfred, vous êtes de ces hommes qui passent dans la vie comme des ouragans. Certains de nos contemporains vivent à 300 à l'heure. Vous ne connaissez pas vos limites. Vous êtes un personnage rare, un éternel voyageur, et vos yeux n'en finissent plus de s'ouvrir au monde. Vous êtes curieux de tout, vous êtes un aventurier avec un grand A, et ce grand A, on le retrouve dans les mots amour, action, amitié. Vous dire combien il m'est agréable de vous accueillir est peu. Henri de Montfred, je suis content. Eh bien, la réciproque est vraie, car si je suis venu aujourd'hui, eh bien, c'est pour l'amour de vous, croyez-le. Hein? Il fait un sale temps, je suis fatigué, je viens d'avoir la fièvre pendant 2 mois. On m'a fait faire le Jacques, là, sur des bateaux du côté de Saint-Malo pour un espèce de film qu'on tourne pour Pâté Journal. Eh bien, je suis éreinté, mais je suis venu tout de même, parce que, ma foi, il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ah, ça fait toujours plaisir de retrouver les amis. Hein? Henri de Montfred, vous êtes né le 14 novembre 1879. Oui, 1800. Vous avez 90 ans et vous êtes un jeune homme. Ouais. Alors, si vous le voulez bien, nous allons faire un bout de chemin ensemble. Mmh. D'abord, comment tout cela a-t-il commencé? Où êtes-vous né? Comment étaient vos parents? Ça a commencé par une vie sauvage. C'est un peu ça qui a influencé sur l'existence. J'ai été élevé par des grands-parents dans une presqu'île entourée par la mer et les étangs du côté de Cattes. Je n'avais aucun petit camarade. J'étais tout seul. Et aux environs, pas de village, absolument rien. Alors je me suis fait des amis avec, qui étaient autour de moi. J'ai fait comme l'homme primitif, j'ai fait de l'animisme. J'ai eu comme amis les champignons qui poussaient dans la forêt, le vent qui sifflait dans les pinèdes, les crapauds dans les marécages, les crabes de l'étang, etc. Je me suis, en somme... j'ai fait communion avec la nature, tout gosse. Et c'est ça qui m'a donné... cette, je ne dirais pas horreur, le mot est trop fort, du troupeau, mais cette répugnance hein, à vivre dans le troupeau. Mais avant d'aborder au rivage de l'aventure, vous étiez chimiste, vous avez fait un certain nombre de... Ah, j'ai fait toute espèce de métier, depuis je ne sais pas, pour balayer des rues, non, mais enfin... Mais, au fond, tout ça est excellent. Ce sont des coups de marteau qui vous forgent. Mais votre fuite dans l'aventure, ça n'était pas... une certaine manière d'abandonner une femme, par exemple. Non, je voulais pas changer d'aventure. Oui, évidemment, les femmes, c'est la cause de bien des choses. J'avais une femme qui était insupportable, que j'aurais voulu jeter par la fenêtre, mais je ne l'ai pas fait. Mais seulement, je n'ai pas pu la supporter. Et pour rompre avec tout ça, j'ai pris mes gosses, n'est-ce pas, et puis je suis parti, j'ai mis les océans entre elle et moi. Ça a été la cause. Et je voulais faire tout simplement un métier bien sage, acheter des cuillères et du café, dans une maison de commerce qui me payait tant par mois, magnifique à l'époque, 350 francs par mois, c'était superbe. Et voilà. Mais quand j'ai été là-bas, je me suis aperçu que les Européens qui y étaient aussi stupides, enfin en général, je ne dis pas tout le monde n'est pas stupide, mais étaient aussi peu intéressants que le sont certaines gens dans les villes les plus reculées de la province. Ils ne voyaient rien de ce qui était autour d'eux, tandis qu'il y avait des choses magnifiques. Il y avait par exemple les tribus yéménites, qu'on considérait comme des pirates, comme tout ce que vous voudrez. Ils faisaient le commerce des armes, des esclaves, etc. Mais derrière eux, une civilisation magnifique et un pays impénétrable, où personne n'était allé. et personne n'y est encore allé dans les coins que je connais. Eh bien, je me suis mis en tête d'aller là-bas et de me faire accepter par ces gens-là, de me faire respecter. Car il ne faut pas nous faire d'illusions, tous ces indigènes, que nous appelons indigènes évidemment, ils sont du pays, eh bien, nous méprisent. Et ils n'ont pas tort, car il y a des exemples d'Européens qui se saoulent assez régulièrement, qui ont des mœurs assez douteuses, imaginant que parce que ce sont des Noirs, ça prend si l'aperçu, mais ces Noirs les jugent, etc. Je me suis mis en tête d'être accepté par eux et d'aller dans leur pays. J'ai mis 5 ans pour ça. J'ai appris leur langue d'une façon aussi. Vous avez changé de nom? J'ai changé de nom, forcément. Abdelhaj, je me suis fait musulman, parce qu'il fallait le faire pour aller dans certains pays où un chrétien ne peut pas aller. Un juif encore moins, et il fallait être chrétien. Il fallait être musulman. Je me suis fait musulman, j'ai adopté leurs mœurs, etc. Et j'ai pu pénétrer tous ces peuples. Tout ça m'a enthousiasmé, alors j'ai pris des notes, je ne voulais pas que tout ça se perde. Et aujourd'hui, je puise là-dedans, et c'est une espèce de trésor dans lequel je peux ramasser un peu d'illusions. Henri de Montfred, dans le fond, cette série d'aventures que vous avez vécues sont l'aboutissement d'une jalousie de femme au départ. Non, pas jalousie, toutes les femmes sont plus ou moins jalouses, hein. D'une façon plus ou moins stupide, enfin ça dépend des mentalités. Non, c'est pas ça du tout, mais une femme qui ne me comprenait pas. C'était de ma faute d'ailleurs, j'avais 18, 19 ans à ce moment-là. À 19 ans, on fait des boulettes. Je me suis flanqué sur le dos une femme idiote, je m'en suis aperçu après, trop tard. Henri de Montfred, peut-on dire que c'est à Djibouti que tout a commencé pour vous? Ah oui, ah tout, ça dépend de ce que vous appelez tout. La vie appelle aventureuse, n'est-ce pas? Cette vie qu'on appelle aujourd'hui aventureuse, ça a commencé à Djibouti, évidemment. C'était comment à cette époque-là? Et à ce moment-là, Djibouti était ce qu'il était, je ne peux pas vous le décrire. Quel a été votre premier travail? Ah, d'acheter des cuirs et du café, d'apprendre la langue et de me mettre dans le bain. On ne va pas se balader comme ça dans la mer Rouge avec la prétention de connaître les indigènes et de voir ce qu'ils font dans leurs métiers les plus secrets dans les 24 heures. Il m'a fallu au moins 5 ans avant de parler la langue, connaître leurs mœurs et de marcher nu-pied. Oui, ça c'est très important. Vous avez fait un peu tous les métiers ensuite. Là-bas, non, il n'y avait que 3 métiers. Mon premier, c'était la pêche des perles, avec lequel je n'ai pas gagné beaucoup d'argent. J'avais juste de quoi payer mes équipages. Et puis ensuite, alors, j'ai fait le commerce des armes. Commerce des armes, ça... Ça ne vous gêne pas trop, Henri de Montfred, qu'on dise que vous avez été un trafiquant d'armes? Mais il n'y a rien de déshonorant. Parce que, vous savez, moi, s'il y a des lois, des lois humaines que... Je ne respecte pas beaucoup parce qu'elle ne présente pas d'intérêt. Il y a une loi avec laquelle je ne transige jamais, c'est celle de ma conscience. Quand je suis d'accord avec ma conscience, je fiche du reste. Vous avez été passeur de haschich aussi. Oui, qu'est-ce que vous voulez, le haschich comme un marchand de tabac, c'est la même chose. Je me contentais de transporter d'ailleurs, n'est-ce pas? Parce que le reste, moi, ça ne me regardait pas, moi, je quittais pour la mer. Il fallait un prétexte pour pénétrer dans les pays, je voulais aller. On ne peut pas vous présenter au Yémen, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu viens faire, toi, ici? Je viens me promener, n'est-ce pas? Non, ça n'existe pas. Il faut leur porter une chose qu'ils désirent. Et le sésame, le plus puissant, sont les armes. Avec des armes, c'est toujours très bien reçu. Alors, grâce à ça, j'ai pu aller partout. Dans la mer Rouge, vous sentiez bien sur votre petit bateau? Si vous y étiez en ce moment, comme j'y étais à ce moment, vous vous sentiriez très mal. Et beaucoup de gens aussi, hein. Parce que je n'avais absolument aucun confort. On ignorait tout à cette époque-là, moi en particulier. Et on faisait le feu avec du bois, il n'y avait rien. On s'éclairait avec des chandelles, tout à fait primitif, avec la voile. Et il fallait manger tous les jours la même chose. D'ailleurs, c'est à ça, à cette existence extrêmement sobre et toujours uniforme, que je dois peut-être aujourd'hui tenir debout à 90 berges. À cette époque-là, comment vous considérait-il les Français? Très mal, d'abord. Djibouti faisait la contrebande des armes, c'est Djibouti qui commençait. Djibouti n'avait pas le droit de vendre des armes aux indigènes, parce qu'il y avait des accords avec les Anglais, l'accord de Londres. Mais comme ça rapportait énormément, un fusil acheté 15 francs en Belgique se revendait dans les 3 à 4 sous. Une marge. Et alors, ils continuaient à vendre aux indigènes qui venaient acheter les armes, mais quand ils repartaient, Il ne leur donnait pas de papier de navigation. Rien qui puisse justifier, qui puisse faire savoir d'où ils venaient. Évidemment, pris par un navire anglais, sans papier, ils étaient bons comme la Romaine, le bateau était saisi et l'équipage en prison. Quand c'était des indigènes, ben on s'en fichait, c'était... Mais quand moi j'ai voulu faire ce commerce, ma présence à bord d'un bateau, c'était la signature. Il ne pouvait pas nier que je venais de Djibouti. Alors, on a essayé de m'interdire. Alors, le gendarme m'empêchait de monter à bord. Alors, j'ai dit à mon maître d'équipage, en arabe, il ne comprenait pas le gendarme en question. Tu vas partir sans moi. Mais à la sortie de la rade, c'est-à-dire à 2000 en mer, il y a une bouée lumineuse qui marque un haut fond. C'est là que tu vas me trouver. Et en effet, je suis allé rejoindre la bouée, et là, j'ai failli crever. Comment vous avez rejoint à la nage? Oui, bien sûr. Mais là, j'ai failli crever de façon suivante. Je me suis dit, je peux y aller. Mes forces sont capables de faire un kilomètre et demi à la nage, c'est possible. Et puis, là, je me reposerai sur la bouée, et le bateau arrive, etc. Mais quand je suis arrivé à la bouée en question, je me suis appuyé dessus, mais c'était là-dessus le corps. Impossible. Impossible de se soutenir. J'étais crevé, déjà. J'ai dit, si le bateau a du retard, si les bateaux d'armes sont, parce qu'ils étaient accompagnés d'un garde-côte jusqu'à la limite des eaux françaises, et dans la nuit, ça se passe. J'ai dit, s'ils sont retardés, je suis foutu. Je suis allé jusqu'à la limite. Mon bateau est arrivé au moment où... Eh bien, ça m'a laissé une connaissance de ces agonies dont nous avons peur et qui, au fond, ne sont rien. La mort ne vous fait pas peur, Henri de Montfrère? Je ne fais pas peur, non, elle n'existe pas. Pour nous, la mort n'existe pas. Nous n'avons jamais commencé, ni vous ni moi. Évidemment, nous sommes nés, on nous l'a dit, mais vous ne vous en souvenez pas. Non, pas tellement. Non. Là, nous avons donc une moitié de l'éternité. Or, l'éternité, ça se coupe en deux. Et bien, la mort, c'est la même chose. Et comme me disait un sorcier de la mort, car parmi ces sorciers noirs, on trouve des types qui sont des philosophes, « Et tu as peur de la mort, toi? Mais est-ce que tu ne meurs pas tous les soirs quand tu t'endors ?» Au cours de tous ces voyages, vous avez dû rencontrer des femmes merveilleuses. Ben oui, des femmes auprès desquelles les blanches, ben, il n'y en a pas beaucoup qui puissent tenir le coup comme proportion, comme corps. Seulement, c'est un défaut, c'est que c'est foutu tout de suite. Ça ne tient pas. Henri de Montfred, nous allons changer un peu de sujet. Je sais qu'en 1928, vous avez fait une rencontre qui a été extraordinaire pour vous. C'était le père Teilhard de Chardin. Oui, Teilhard est un être, c'est un surhomme. Quand on a une fois croisé son regard, c'est fini. On ne l'oublie plus. J'étais sur un paquebot qui revenait de Chine. Moi, je voyage toujours en troisième parce qu'il n'y a pas de quatrième. Je m'arrange toujours avec l'équipage, je me fais mettre à l'infirmerie, et puis je le débrouille, ça va tout seul. Et j'avais traversé le pont pour les je ne sais où, je traversais le pont des secondes, où sont les ecclésiastiques, les bonnes sœurs, etc. Et je vois un personnage appuyé au bastingage qui se retourne à mon passage, nos regards se croisent, et nous nous sommes souris simultanément, lui et moi, sans savoir pourquoi. Nous sommes abordés avec les banalités d'usage qui tout de suite se sont orientées autrement, et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et alors j'ai eu le grand bonheur de passer 2 mois avec lui en mer Rouge sur mon bateau. Dans cette solitude, un tel homme s'est révélé tel qu'il était. Je me souviens d'un soir où nous étions dans une petite crique à l'ancre, devant ces côtes infernales couvertes de pierres noires, de basalte et de scories, c'est absolument infernal. Un calme absolu. Il était couché sur le pont, les yeux tournés vers les étoiles, et il s'est laissé penser tout haut. Il m'a dit des choses sublimes. Quand il a eu terminé, il m'a dit, écoutez, mon frère, je vous ai dit là, je me suis laissé aller, je parlais à Dieu. Eh bien, je vous demande une chose, c'est de ne jamais répéter ce que je vous ai dit, parce que les hommes ne sont pas encore arrivés à un degré d'évolution tel qu'ils puissent comprendre ces idées. Il faut attendre encore. Moi, j'ai monté péniblement la montagne. Je suis arrivé sur le col, à la cime. Et là, j'ai aperçu des choses qui m'ont bouleversé, des horizons nouveaux qui ont révolutionné toutes mes croyances. Eh bien, si je révèle ce que je vois en ce moment, je vais détruire chez ceux qui me suivent, ceux qui, comme moi, montent la côte, je vais détruire en eux cette foi simple et cette foi naïve, celle que j'avais et que nous avons tous d'ailleurs au fond du cœur sans le savoir. Et c'est cette foi naïve qui leur donne le courage de monter comme je l'ai fait et d'arriver eux aussi à ce seuil où ils apercevront les horizons nouveaux. Et je n'ai jamais oublié cette conversation avec lui qui a changé toutes mes idées. Et le peu que plus tard j'évalue au point de vue moral, c'est peut-être à lui que je le dois. Vous pensez, Henri de Montfred, que la qualité de Teilhard de Chardin, puisque c'est de lui que vous parliez pendant ces trois dernières minutes, cette qualité a été reconnue trop tard? Non. Elle n'est pas reconnue, d'ailleurs. Les gens qui parlent de Teilhard de Chardin aujourd'hui, la plupart, disent des énormités. Ils veulent interpréter ce que Teilhard de Chardin a laissé connaître, car son œuvre secrète est déposée en lieu sûr. Et elle ne sera dévoilée qu'en son temps. Mais le peu qu'il a laissé, eh bien, ces gens-là veulent l'interpréter, veulent le faire parler, et disent des bêtises. Mais certains d'ailleurs qu'ils ne l'ont jamais rencontré. Ils l'ont jamais rencontré. Henri de Montfred, vous avez donc été explorateur, navigateur, mais vous avez été également industriel. Oui. C'est moi qui ai monté, qui ai éclairé la ville de Dirilawa. C'est la ville frontière entre la côte des Somalis et l'Éthiopie. J'ai éclairé la ville et j'ai mis une minoterie. J'avais acheté ça à un Italien qui avait fait de mauvaises affaires. Voyez-vous, il est arrivé à un moment donné, quand j'ai gagné un peu d'argent, j'ai voulu être encore un monsieur comme tout le monde pour faire plaisir à la famille. Et je me suis lancé à faire de l'industrie. D'ailleurs, ça a mal tourné parce que j'ai été en contact avec des salopards. J'ai vécu pendant 35 ans avec des peuplades réputées sauvages, terribles, féroces, cruelles. Je n'ai jamais eu d'histoire. Et en 3 ans, avec mes compatriotes, j'ai failli laisser la peau. Mais vous aviez également monté, Henri de Montfred, une fabrique de fromage. Ah, mais ça se rapporte au Kenya, ça. J'ai été déporté pour les Anglais. Car lorsque les Italiens sont arrivés en Éthiopie, au moment de la guerre, de la drôle de guerre, et comme Mussolini avait déclaré la guerre à la France, il m'a dit, vous êtes prisonnier. D'ailleurs, rien de changé. Vous êtes prisonnier théoriquement. Bien, je suis prisonnier, ça va. Comme je n'avais pas à m'en aller. Ça. Quand les Anglais sont arrivés pour chasser les Italiens, ils m'ont trouvé là et ils m'ont embarqué avec les prisonniers italiens. Et on m'a déporté à 65 ans et au Kenya avec des jeunes soldats de 24 ans, avec des charges sur le dos, etc. Alors, cette fabrique de fromage? Eh bien, alors, j'étais. Quand les Anglais sont arrivés, on a voulu que des petits amis ont voulu se débarrasser d'Henri de Montfred, qui a la manie de dire ce qu'il pense et de l'écrire. On dit c'est une excellente occasion pour le liquider. Et on est allé dire aux Anglais, avec faux témoignages et tout ce qui s'ensuit, que j'avais conduit une patrouille italienne contre les Anglais. Moi, français, c'était le poteau dans les 24 heures. Et en effet, j'ai été bouclé, on m'a mis dans une petite machine où étaient les condamnés à mort. Et j'ai eu le plaisir, pendant 24 heures, d'entrer dans la mentalité du bonhomme qui va être fusillé le lendemain matin. Je ne le regrette pas, parce que ça m'a aussi permis d'étudier les réactions psychologiques sur moi-même. Ça fait quoi? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de résignation qui se fait, c'est beaucoup moins terrible qu'on me suppose. Et j'ai été tiré de là par ma femme qui a fait un bottin épouvantable, qui est allée trouver le général Platt. Alors, l'aide de camp s'est interposée. Non, c'est juste Bart, elle est dans son bain. Je m'en fiche, elle a ouvert comme Charlotte Corday, elle est entrée dans la salle de bain. Enfin, c'est tout. Mais enfin, elle a fait tellement de potins que les Anglais ont réfléchi, ils se sont dit, on va faire tout de même une enquête. Cette enquête a duré 9 mois, le temps de faire un enfant. Et quand ils se sont aperçus, après cette enquête, que tout ça était faux, Ils ont soigné ceux qui m'avaient dénoncé avec des calomnies. Ils ont été impitoyables. Hein. Et moi, ils m'ont donné de la liberté au Kenya. Henri de Montfred, j'aimerais que nous parlions maintenant de Gauguin. Ah oui. Parce que ben, je crois que votre père avait bien connu. Oui, c'est le grand ami Gauguin. Gauguin n'avait pas d'amis. C'était comme homme, c'était un seul bonhomme. Hein. Ça n'a rien à voir avec son art. C'était un génie au point de vue art, mais comme homme, il payait ceux qui, Schoufnecker par exemple, qu'il a hébergé, ben, il a couché avec la femme, la fille, enfin, et se foutait de lui par-dessus le marché. Mais j'ai connu Gauguin, moi j'avais 14 ans à ce moment-là. Il venait souvent chez moi. Et mon père avait de l'influence sur lui, c'est le seul ami qui a persisté. Et quand il a été aux îles, c'est mon père qui vendait ses tableaux. Il lui envoyait ses toiles roulées, qui se vendaient 400 francs à ce moment-là. Et comme ça, j'ai vu défiler à l'atelier de mon père toute l'œuvre de Gauguin. Je crois qu'au début, Gauguin envoyait quelques tableaux à sa femme et sa femme les brûlait ou les non, vendait non, à bas prix. Non, il n'envoyait rien du tout. Non. Il n'envoyait rien du tout, mais il avait laissé des toiles. Alors sa femme, de rage, trouve que c'était idiot, n'est-ce pas ? On avait mis sous les tapis pour protéger comme des bourrettes, vous savez, et on avait sacrifié. Quand elle a su que ces tableaux auraient pu se vendre 15 ou 20 millions, elle en a fait une maladie, elle en est morte. Mais vous, Henri de Montfred, vous devez avoir une extraordinaire collection de Gauguin aujourd'hui. Ben, j'en ai beaucoup qui viennent de mon père. J'en ai un qui est assez curieux, d'ailleurs. C'est le Cheval Blanc, qui est un de ses chefs-d'œuvre, qui est au musée de l'Orangerie. Mon père l'a vendu au musée du Louvre, à Robert Ray, en 1903. Mais quand il a reçu cette toile, qui était magnifique, il a vu que les couleurs ne valaient rien. Les couleurs qu'il achetait chez l'Indien, à l'aniline, c'était dans 3-4 ans, il n'y aura plus rien. Quand Robert Ray lui a acheté cette toile, mon père l'a prévenu. Mais il en a fait une copie. Absolument exacte, il connaissait la palette de Gauguin. Une copie, on ne pouvait pas la distinguer. Quand Robert Ray est venu prendre cette toile, il les a mis toutes à côté l'une de l'autre. Ah, laquelle ? Il m'a dit, c'est celle-là, la vraie. Seulement, je vous préviens que dans quelques années, tout va disparaître. Ça va se... Et c'est ce qui est arrivé. 10 ans après, on est venu demander à mon père de prêter sa copie. Hein, pour réparer l'autre. Et c'est ce qui a été fait. De sorte qu'on peut dire que ce qui est à l'Orangerie est presque une copie de ce qui est chez moi. Mais Henri de Montfred, est-il vrai que cette collection de Gauguin que vous avez, vous la remettrez au Louvre à votre mort ? Ben, je n'en dispose pas. Mon père ne veut pas qu'elle sorte de France. Et elle doit rester, il a raison. Il a raison. Mais pour le moment, j'en profite. C'est une véritable fortune que vous avez chez vous. Ben oui, ça représente pas mal d'argent. Seulement, c'est un point de vue que... De toute manière, vous, Henri de Montfred, vous n'êtes pas un homme d'argent. Mais non, j'ai remarqué que je ne me fiche pas de l'argent parce que c'est une force. On fait passer pour un vieil avare parce que je respecte l'argent qui est un outil. Hein. Ben, un bon ouvrier, quand il a un outil pour pouvoir s'en servir, ben, il n'esquinte pas. Avec une scie, il ne va pas s'amuser à scier des clous. Hein. Et bien, l'argent, c'est la même chose. L'argent m'intéresse par la force qu'elle représente et la liberté qu'il me donne, mais en lui-même, ça ne m'intéresse pas du tout. Henri de Montfred, êtes-vous le dernier aventurier des temps modernes ? Ah, dernier aventurier. D'abord, c'est un mot extrêmement élastique, aventurier. On ne sait pas où ça finit. C'est très joli avec un grand A. Oui. Mais chaque temps fait ses hommes, n'est-ce pas ? Ce que j'ai fait en ce temps-là, est impossible maintenant parce que les conditions ont changé. N'est-ce pas ? Là, je voyageais avec un voilier, il n'y avait pas de moteur parce qu'on ne les connaissait pas, mais il n'y avait pas de TSF, c'est tout changé. Il y aura toujours de ce qu'on appelle des aventures, c'est de l'imprévu dans les choses qu'on entreprendra, mais l'aventure, elle est dans l'individu, c'est en lui, là. Henri de Montfred, quel est le secret de votre étonnante jeunesse ? Ben, je ne sais pas s'il y a un secret, mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai usé de tout, sans abuser jamais de rien. Car j'estime qu'il faut tout essayer, tout voir, pour le juger, comme pour les hommes. Mais aujourd'hui, vous avez un régime, quelque chose ? Non. Gymnastique ? Le régime se fait par... Les, comment dirais-je, inspiré par mon organisme même, une chose ne me plaît pas, le goût, je ne la mange pas. Et puis je me suis habitué à ce régime tellement simple que j'ai eu avec les indigènes, manger tous les jours la même chose. Alors l'organisme s'habitue à tirer sa subsistance, à tirer sa force de cette provente que vous lui donnez toujours la même. Il se développe là-dedans. Et il assimile mieux. Peut-être est-ce là, j'en sais rien. Vous buvez un peu encore? Je bois très peu, comme les chameaux. Vous conduisez? Vous conduisez une voiture? Oui, seulement, le plus possible, j'ai quelqu'un qui conduit, je vais vous dire pourquoi. Parce que, quoi que ce soit qu'il arrive, il a une chose insignifiante, n'importe quoi. C'est pas étonnant à son âge. C'est fatal. Henri de Montfred, vous avez dit, si on n'entreprend pas quelque chose de nouveau, on vieillit. Et vous ne voulez pas vieillir? Oh, je veux pas vieillir. Ben, j'ai vieilli, ça suffit. Je ne veux pas aller davantage. Mais il faut toujours avoir quelque chose à entreprendre. Ainsi, récemment, vous avez enregistré un disque. Ce sont de nouveaux débuts? Oh non, j'ai enregistré ça par surprise. Donc ça, c'est pas... Ma carrière de chanteur ne m'a jamais tenté, d'ailleurs. Non, ce que je suis en train de faire, puisque vous parlez disque, je ne sais pas ce que ça donnera. J'estime que l'ère de Gutenberg est finie. N'est-ce pas? On ne lit plus, presque plus. Il faut quelque chose. Et le livre parlé est une chose magnifique. J'ai l'air de me foutre des coups d'encensoir, mais ce n'est pas ça du tout. Mais ce n'est pas de ma faute. J'ai, dans la voix, dans la manière de parler, quelque chose qui prend. C'est comme ça, j'y peux rien. Eh bien, un livre parlé change totalement. Le gars est 100%. Dans un mot prononcé, la manière de prononcer ce mot, vous changez le sens. Quand c'est écrit, c'est écrit, c'est fini. Donc vous pensez à quelque chose de très précis. Quand vous prononcez un mot qui a un sens bien déterminé, mais la manière de le présenter, il change. Donc votre premier roman, votre prochain roman plutôt, ça sera un disque. Oh non, je ne peux pas, parce qu'il n'y a pas... ce qu'il faut pour répondre à ça, il n'y a pas le moyen. On n'a pas... Le disque, c'est très joli, mais c'est une petite chose. Un bouquin de 280 pages, vous ne pouvez pas. À moins de le désosser, n'est-ce pas? Alors là, non. Ça fait un album. Oui, ça, c'est une chose à voir. Il faudra que surgisse quelque chose, un appareil nouveau, qui, je vous dis, qui remplace la lecture. Je crois que le livre parlé sera une chose intéressante. Je le fais en ce moment-ci pour un vieil ami qui est devenu aveugle après toute une vie de travail. À 80 ans, il est devenu aveugle. J'estime, c'est une chose épouvantable, ça. Et il avait du plaisir à lire mes livres. Et alors, ne pouvant plus lire, je les lui envoie en bande. Je me suis infligé ça. Alors, ça m'a donné à penser que peut-être, plus tard, c'est une formule qui pourra avoir des conséquences. Henri de Montfred, vous avez de la voix. C'est-à-dire, non, je n'ai pas de voix. J'ai une voix comme tous les marins quand ils chantent, les types qui n'ont pas de voix. D'ailleurs, ce n'est pas nécessaire. À condition que ce soit juste, à peu près. C'est votre grand ami, Joseph Kessel. Oh oui, c'est un bon camarade à moi. Nous avons fait en 27-28, la route des esclaves. On l'avait envoyé le matin, pour faire un reportage sur la route des esclaves. On lui a dit, c'est pas possible, vous ne pouvez pas aller là, vous n'en reviendrez pas, c'est pas possible. Mais il y a un type qui peut-être peut vous faciliter des choses, c'est une espèce de fou, un type qui se balade nu-pied, qui est sans casque, on veut lui piquer, mais enfin, il peut vous aider, c'est moi. Alors, j'étais à Paris en ce moment-là, justement. Alors, on m'a embarqué dans l'histoire, et j'ai fait le voyage avec lui. On fait toute cette randonnée, ils sont restés près de 2 mois. Et c'est au cours de ces trucs-là qu'il a eu l'idée de faire son bouquin, La Fortune Carrée. Henri de Montfred, la télévision a présenté récemment Les Secrets de la Mer Rouge, une série d'épisodes de vos aventures. Vous êtes-vous reconnu dans le comédien qui interprétait le rôle principal? Non. Pierre Massimi? Non. Et il n'était pas mauvais, remarquez bien. Et les gens qui ne me connaissent pas, mon Dieu, on s'y habitue. Non, il a été bon. Je n'espérais même pas qu'il s'en sorte comme il s'en est sorti. Mais entre la réalité et cette fiction, il y a un monde. Mais vous étiez peut-être plus beau à l'époque que lui. Ah non, je parle pas de physique, il n'est pas vilain gars, lui. Bon, j'ai jamais été beau, moi, c'est pas... D'ailleurs, ça n'a rien à voir là-dedans. Mais ce qui était intéressant, c'est de la manière d'être avec ces gens-là. Je lui ai fait la leçon précédemment, il était venu avant de partir. Je lui ai dit comment il faut s'exprimer avec ces gens-là. Il ne s'agit pas sur un bateau d'aller dire « Ayez la bonté de... » Non, ensuite du cambronne plus volontiers, n'est-ce pas? Il faut mettre un peu d'énergie, un peu de nerf là-dedans. Enfin, ça, c'est des choses qui ne s'apprennent pas. On l'a ou on ne l'a pas. Henri de Montfred, vous avez dit un jour, je peux tout remettre en question pour une femme. Comment tout remettre en question? Toute une vie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je peux remettre tout en question pour une femme. Est-ce qu'aujourd'hui encore... Ah non, non, ça, ces histoires-là vont passer. Je vous assure que maintenant, bah, il faut bien que ça passe. Hein. Henri de Montfred, y a-t-il encore de par le monde des trésors enfouis? Ah oui. Il y en a ne serait-ce que dans les bateaux que les pirates du 17e siècle, la fin du 17e, ont coulé derrière l'île Sainte-Marie. Là, il y a certainement dans la quille de ces bateaux, il y a des diamants. Est-ce que vous pensez pouvoir retrouver un de ces trésors? Oh, ben, d'autres s'en occuperont. Moi, je ne suis pas chercheur de trésors, c'est une illusion d'ailleurs, parce que pour un trésor qu'on cherche, on se ruine sur des tas de choses. Ça passionne les types, chercher des trésors, évidemment. Mais pour vous expliquer ce que je vous dis là, les pirates qui avaient leur repère derrière l'île Sainte-Marie allaient sur le passage des galions qui revenaient des Indes, et avec beaucoup de diamants, justement, et d'autres choses. Ils avaient pour eux les alizés pour rentrer. C'est-à-dire que pour aller, pour faire de l'Ouest, ils avaient les alizés qui les poussaient. Et ils pouvaient pas en remorque ces bateaux. Parce que, après avoir ramassé tout ce qui était à l'intérieur, ils pouvaient couler le bateau sur place. C'est ce qu'ils faisaient jusqu'à une certaine époque. Et ils ont appris que les capitaines, pour sauver leurs diamants, ne les mettaient pas dans le bateau, mais dans la quille. Ils mettaient le bateau au sec, avec une tarière, ils faisaient un trou dans lequel on mettait les diamants ou ce qu'ils voulaient cacher, de petits volumes. C'était bouché avec une cheville de bois, etc. Les vues n'y connues. Hein. Ben, pour revoir ce qu'il y avait dans ces quilles, il fallait mettre le bateau au sec et au milieu de l'océan, c'est pas possible. Alors ils les prenaient en remorque. Un voilier avec vent arrière, c'est une force terrible pour remorquer, c'est magnifique. Et les amenaient à l'île Sainte-Marie pour les échouer et voir ce qu'ils avaient dans le ventre. Mais après, on ne pouvait pas les ramener en mer, parce qu'il y avait vent debout. Alors, comme ils pouvaient, ils les traînaient dans une baie, assez profonde d'ailleurs, et ils étaient coulés. Il y avait un cimetière d'éléphants. Et au cours de cette aventure que j'ai eue en 1258, ou je ne me souviens plus de la date, je suis resté 12 jours, les journaux l'ont parlé, 12 jours... Si, c'était entre le 3 et le 11 août 1958. Bon, ben c'est ça. Nous sommes arrivés par hasard dans cette baie un jour où l'eau était claire. C'est très rare, parce qu'il y a des mouvements. Et alors là, nous avons aperçu ce cimetière de navire. Il y avait encore ces grandes vergues couvertes de concrétions calcaires, de tas de saloperies. On aurait dit des croix, des calvaires, des choses. C'était étonnant. Et vous pensez que dans le fond, il y a plein de trésors? Bah, plein, j'en sais rien. Mais il est probable qu'il en reste. Est-il vrai, Henri de Montfred, que vous aimeriez mourir en mer? Aimer, c'est un peu exagéré, parce qu'on n'aime pas aller mourir quelque part. Oui, mais enfin, j'estime que pour un marin, j'aime mieux mourir là que dans le plumard avec une maladie qui n'en finit plus. Hein. Êtes-vous attaché aux honneurs? Ah non, pas du tout. Je ne suis pas décoré. Pas du tout? Ah non. L'Académie française. L'Académie, pour faire plaisir à des copains, et Kessel en première ligne, je me suis présenté à cette histoire-là. J'ai eu des voix, ça a été assez honorable, mais ça suffit. Votre piano vous suit partout, toujours? Ah ben, pas sur le bateau, ni... Ni en voiture, ni en bicyclette, sûr. Évidemment. Non, mais moi, c'est une onde portante pour moi, la musique. C'est un climat. C'est une onde portante, et je ne connais pas une note de musique, mais j'improvise... Ça m'a toujours suivi partout. On ne vous reproche pas aujourd'hui de mener cette vie franche et massive que vous avez, car non. Vous avez non. L'habitude de dire ce que vous pensez, vous le dites bien. Non. Vos enfants sont fiers de vous? Non. Bon, je n'en sais rien. C'est probable, je n'en sais rien. Mais vous savez, on n'est jamais... Il n'y a pas de grand homme pour le domestique. Hein. Dans la famille... Puis je m'en fiche, ça m'est égal, ça ne compte pas. J'ai un nom, évidemment, qui pourrait peut-être nous rapporter. Je crois qu'ils sont le fils d'Henri de Montfred. Ils préféreraient peut-être que moi je sois le père de tel, n'est-ce pas? Henri de Montfred, quels sont vos musiciens préférés? Oh, ben, Bizet. Bizet, pour moi, c'est un... Je mets Bizet sur, dans la musique au même plan que Daudet dans la littérature. C'est le Daudet de la musique. Hein, hein. Et vous depuis autres... tous les autres, de musique classique. La chanson d'aujourd'hui, elle m'ébouriffe, je n'y comprends rien. Je lui reproche de ne pas comprendre les paroles, de ne pas avoir de mélodie sérieuse. Hein. Il faut tout de même une mélodie. Il faut un chant, une chose qui soutienne le sujet. Hein. Et là, non, c'est une espèce de glapissement. Enfin, je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est plus de mon temps. Je suis peut-être vieux jeu, je suis peut-être ridicule. Mais je vous dis simplement que je ne la comprends pas. Voilà. Comment vous trouvez les femmes aujourd'hui? Oh, ben, les femmes, il faudrait que je sois en âge d'en user. Non, mais visuellement. Ah, visuellement, ben oui, mais si ça coûterait autrement, je préférerais. Et, vous savez, chacun de son temps. Moi, j'ai vu les femmes autrement habillées qu'aujourd'hui, ça choque un peu, ça nous paraît ridicule. Puis on s'y habitue, hein. La mini-jupe ne vous déçoit pas trop? La pardon? La mini-jupe. Oh, non, je préférerais mieux qu'elle n'ait pas du tout, ça me dégage. Hein? Mais enfin, c'est pas fait pour une femme. Là, ça enlève tout le charme que j'ai été habitué à donner à la femme. Et puis, je suis très mauvais juge à mon âge. Quand vous aurez 90 ans, vous m'en direz des nouvelles. Bien que lorsque j'aurai 90 ans, moi, je me réserve d'être comme vous et je serai parfaitement heureux. Oui, parce qu'enfin, on peut se... Moi, je suis parfaitement heureux parce que tout de même... C'est un piège qui n'est plus ouvert pour moi. Car la femme est toujours un piège. Henri de Montfred, vous avez 90 ans, vous venez de le dire et de le rappeler, oui. De le répéter. Comment voyez-vous votre avenir? Ah, je ne veux pas le voir. Je considère que je ne finirai jamais. Et j'agis comme si je ne devais jamais crever. Voilà, alors, évidemment, je plante un arbre, je dis, mais pourquoi tu ne mangeras pas les pommes qui sont dessus? C'est possible. Mais je mange les pommes de longtemps que d'autres ont planté. Eh bien, il en sera bien du mien. Henri de Montfred, vous avez 90 ans, vous avez été de toutes les aventures, et je voudrais vous demander ceci, de quoi avez-vous peur? Ben, j'ai peur de moi-même, d'abord. J'ai toujours eu peur, moi-même, parce que c'est de nous que nous devons avoir peur, car nous ne nous connaissons pas. J'ai mis bien longtemps... Je ne dirais pas me connaître, mais avoir l'illusion de me connaître. Eh bien, c'est en nous que nous devons chercher toutes les causes d'inquiétude. Vous êtes fier de la vie que vous avez menée? Oh, fier, non, parce que ce n'est pas de ma faute. J'ai été le jouet de toutes les fatalités qui se sont enchaînées, c'est tout. Je n'ai pas à en être fier. Je suis fier, surtout, d'avoir fait de moi quelque chose que je puisse estimer. Car quand on vient au monde, l'homme qui est tout jeune, ben, il vaut pas cher. Et son seul mérite, c'est d'avoir fait de lui quelque chose de propre. Qu'est-ce que vous pensez des hommes? Des hommes? Les hommes d'aujourd'hui. Ben, les hommes d'aujourd'hui, c'est moi. Et chacun s'interprète à sa façon, chacun porte en lui son univers, comme chaque être vivant porte en lui son univers, qui est totalement différent. On veut aller se balader dans les planètes et partout ailleurs, mais il y a des univers qui sont encore plus différents. Par exemple, quel est l'univers de l'escargot? Quel est l'univers de la sauterelle? Comment le voit-il? C'est quelque chose d'inconcevable pour nous. Henri de Montfred, vous n'irez peut-être pas sur la Lune, vous en souffrez? Ah, mais je ne veux pas du tout y aller. D'ailleurs, c'est absolument aucun intérêt sur une planète morte qui n'a pas d'atmosphère. Je ne vois pas ce que j'irai y faire. Attendez, je ne connais pas ma planète même. Enfin, celle que je me suis faite en venant au monde par l'intermédiaire de mes sens. Hein. Quand nous sommes loin de savoir quel est le véritable univers dans lequel nous évoluons, ce que nous avons sur nos sens, l'univers temps-espace, nous ne pouvons rien concevoir qu'il soit limité, qu'il n'ait pas de durée. La durée, pour nous, la chose essentielle. Eh bien, nous ne connaissons pas tout ça. Henri de Montfred, vous est-il arrivé au cours de votre vie de faire de la peine aux gens que vous aimiez? Ah oui, ça m'est arrivé sans le vouloir. Dans la jeunesse, par exemple, un enfant fera des peines cruelles à ses parents qui les adorent. Je vous parlais de ma mère tout à l'heure, c'est une femme que j'ai aimée au-dessus de tout, qui est une femme admirable. Eh bien, je me souviens qu'étant enfant, je lui ai fait sciemment de la peine, comme ça, parce que j'étais pas d'accord avec ce que je souhaitais, etc. Je lui ai fait de la peine. Ça a été un de mes grands remords lorsqu'elle est morte. Et il en est de même pour bien d'autres gens. On fait toujours de la peine à quelqu'un. Et si aujourd'hui, vos enfants vous faisaient de la peine? Eh bien, je me dirais que je n'ai que ce que j'ai mérité. Henri de Montfred, comment voyez-vous l'avenir de la France? Je préférerais ne pas répondre à cette question, parce que je suis très pessimiste, et je pense toujours au train rapide qui est lancé sur une voie de garage. Sans le savoir, et il y a un butoir dans le fond sur lequel elle va arriver en pleine vitesse. Alors je préfère ne pas vous répondre. Henri de Montfred, êtes-vous déçu par les jeunes d'aujourd'hui? Non, mais je les plains, parce qu'ils ont trouvé la vie trop facile, ils ont eu trop de choses, et ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils ont à leur service. Autrefois, pour me faire du café, il fallait tourner un quart d'heure le moulin. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton, c'est fait. Ils ont trouvé la vie trop simple, trop bien faite, il n'y a plus de distance. Et puis alors, ils ne peuvent plus se donner l'impression d'avoir créé quelque chose. L'ouvrier, par exemple, autrefois faisait une montre avec un morceau de métal, il faisait tout par ses mains, il avait l'impression d'avoir, lui, créé quelque chose. Aujourd'hui, c'est la machine qui fait tout. Nous sommes esclaves de cette machine, qui est un maître sans âme et sans rien. Et c'est pour ça que cet homme, cet ouvrier, ne se respecte pas lui-même, il n'a pas d'estime pour lui-même, parce qu'il n'a rien fait par lui-même, il n'a rien créé, c'est la machine qui fait tout. Et c'est ça qui fait la mentalité nouvelle, qui aboutira à quoi? Et je pense encore au train rapide. Sur la voie de garage. Henri de Montfred, pensez-vous que pour tout homme ou pour toute femme, la jeunesse est un cadeau? C'est un cadeau. Non, pour moi, c'est pour un cadeau. Parce que la jeunesse, c'est l'ouverture de tout ce qu'il attend dans la vie. C'est là qu'il doit essayer de se former. En aura-t-il le courage? Le lui apprendra-t-on? Toute la question est là. Henri de Montfred, y a-t-il une chose que vous n'ayez pas faite et que vous regrettez? Non. Il y a des choses que je n'ai pas faites, certainement, mais je ne regrette rien. C'est inutile de regretter, c'est du temps perdu, c'est de la force perdue. Il ne faut rien regretter. Tout ce qui nous est arrivé, les conjonctures les plus terribles, il faut les prendre comme des enseignements. Et tous les enseignements, ça se paye. Quelquefois très cher, mais c'est une leçon. Et il faut savoir en profiter. Il y a des gens qui ne savent pas en profiter, qui passent leur temps à maudire l'humanité, tout ce que vous voudrez, au lieu de se dire, tout ce qui m'arrive, c'est de ma faute. Voilà. La leçon, je la prends.